C'est pour essayer de... Non, mais j'ai une pédale de loop sur laquelle j'ai des drums enregistrés que j'utilise dans mon resto. Mais bon, sur Ninjam, c'est pas facile d'arriver à les caler. Comme je les fais démarrer au pied, c'est un peu chiant. Et j'arrive pas à les injecter dans Ninjam à partir de ma table de mixage. Comme j'ai que deux canaux qui sortent en USB... J'ai essayé d'injecter deux canaux, enfin, deux trucs en même temps sur le même canal, mais c'est le bordel, ça fait un cacafouillis. Ouais, faudrait que j'installe Reaper et puis que je passe par Reaper en essayant de gérer ça autrement. Ce qu'il y a, c'est que c'est ma sono qui est réglée pour mon resto, et sur Ninja, mais après, ça va plus très bien, quoi.